Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. Christian Martin à la narration. Introduction. Ce récit se passe pendant la période de calme relatif qui se situe entre la victoire sur les Bleus et l'affrontement contre les maîtres insulaires. L'Empire uni s'étant désagrégé pendant la captivité de Perry Rodden et d'Atlan dans les géoles du dictateur Horatio Hondo, le Stellarque prend la décision de le dissoudre dès son retour à Terrania. Il convient dès lors de tout recommencer afin de recréer des alliances ou, au moins, de se tenir au courant des manœuvres destinées à déstabiliser l'Empire terranien afin de tenter d'en limiter les dégâts. Depuis plus de deux siècles, un vaste réseau de renseignements a été mis en place par les responsables de l'Organisation des Mondes Unis sur le modèle de celui établi jadis par le maréchal solaire Alan D. Merkent, chef des services secrets de défense de l'Empire. S'implanter discrètement sur un maximum de planètes pour en suivre l'évolution est l'un des objectifs fixés aux membres de la prestigieuse OMU. La tâche de ces honorables correspondants consiste à surveiller et à tenir informé le central de l'organisation situé sur OMU 1, appelé aussi Centre Quinto, en mémoire au colonel créateur de la fameuse section 3. D'autres agents de l'organisation d'Atlan se chargent des missions sur le terrain, souvent au péril de leur vie. Mazas Pavel est l'un de ces agents. Sa mort et celle de Melbar Kazum seront programmées dans les arènes d'Aubioche.